Bon, je m'appelle Simone Spezial et je suis au CPT, c'est le Centre de physique théorique de Marseille. C'est situé à Lumigny, dans le parc des Calanques. J'aime bien cette histoire qui m'a raconté un collègue russe, parce que maintenant, c'est extraordinaire, on parle de cosmologie comme une branche de la physique expérimentale, mais ce n'était pas toujours comme ça. Bon, Hubble, notamment, il avait montré l'expansion des galaxies, l'expansion de l'univers, parce qu'il avait utilisé l'effet Doppler, il avait montré que les galaxies, ils ont leur vitesse d'éloignement de nous. Extraordinaire, ça, dans les années 20. Mais à part pour ça, il n'y avait pas beaucoup d'expériences accessibles, ce qui est dans les derniers 20 ou 30 années qu'on a accès à des expériences, notamment les rayonnements des fonds cosmiques, c'est moitié des années 90, donc c'est très récent. Et donc l'histoire de ses collègues russes, c'était que dans les années 70, quand il n'y avait pas vraiment d'expériences expérimentales, c'est que, donc, vu l'absence d'expérience, l'opinion de Zeldovich compte comme l'expériment. Et Zeldovich était un gros physicien, un gros cosmologue de l'époque. Donc voilà, on est effectivement un peu dans cet état-là. Vu qu'il n'y a pas des gros expériences, on prend comme point de référence des idées qui ont marché dans le passé ou des points de référence qui ne sont pas vraiment phénoménologiques, mais plutôt les intuitions des gros scientifiques. Et donc c'est un peu ça, comme je disais, le débat entre les deux théories. Donc pour venir un peu plus en concret, par exemple un peu plus dans les concrets de la réalité quantique à boucle, on peut parler de ça. Physique classique, 19e siècle, énorme découverte de Maxwell qui en effet, qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière c'est la propagation d'une vague, ou plutôt d'une onde, sur un champ. Un champ que c'est effectivement le champ électromagnétique, dans le même champ qui est responsable des phénomènes électriques et magnétiques. Ça veut dire, on peut faire l'analogie, dans la chambre là, il y a une chambre de pression, causé par la pression de l'air, une chambre de température aussi, mais on reste sur la chambre de pression et quand je tape mes mains, je perturbe ces chambres de pression, il y a une vague, une onde qui se propage, et ça perturbe mes oreilles et j'entends le bruit. Maxwell nous dit, c'est la même chose qui passe pour la lumière, c'est la vague, c'est l'onde du champ électromagnétique. Révolution quantique, on s'aperçoit qu'en effet, cette vague, elle n'est pas une vague continue, mais l'effet des corpuscules, on peut dire, c'est une terminologie qui est un peu classique, mais quand même, il est constitué par des morceaux fondamentaux. Si on veut ça, c'est pas trop étonnant, parce que même l'onde de pression, là, des corpuscules, sont tous les atomes d'air qui se frappent l'un avec l'autre, c'est ça finalement qui propage. Pareil avec l'onde sur la mer. Finalement, la vague qui se propage, c'est la perturbation de tous les atomes d'eau l'un avec l'autre. Donc, un peu une chose pareille, c'est qu'il y a quelque chose qui constitue les ondes électromagnétiques et sont les photons. Donc, les photons sont la version plus fondamentale du champ électromagnétique et des ondes de lumière. Quand on parle de gravité, les gens ils ont essayé de faire la même chose, de dire, ok, donc il y a les champs gravitationnels, je peux perturber les champs gravitationnels, en effet, ces perturbations se propageront avec une onde qu'on appelle onde gravitationnelle. C'est ça qui ça vient de la théorie, ça c'est le résultat de la théorie d'Einstein aussi. Ah, donc on peut essayer de dire que donc, la version quantique de ça, c'est comme les photons, c'est une version quantifiée de cette onde. Ça, on l'appelle les gravitons par analogie avec les photons. Ok ? Problème, c'est que ces descriptions-là, ça marche pas trop bien parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est que les photons, ils propagent sur l'espace-temps. Donc, je peux parler d'espace-temps comme moyenne, comme le stage de mon acte théâtral et les photons, c'est mon acteur qui se propage là-dessous. C'était une onde au 19e siècle, après on s'est rendu compte que cette onde est formée par des corpuscules fondamentaux qu'on appelle les photons, mais quand même, il se propage sur quelque chose qui existe, même s'il n'y a pas de photons. Le problème, c'est que dans la relativité générale, les choses changent un peu parce que l'espace-temps lui-même, il n'est plus quelque chose de fixe. Les stages qui restent là, mais lui-même est dynamique. Quand je mets un photon sur l'espace-temps, la relativité générale me dit ben, regarde, l'espace-temps il a changé à cause de la présence de ton photon. Il ne me dit pas comment, malheureusement, parce que la réalité générale, c'est une théorie classique. Donc, il me dit comment ça change les champs gravitationnels, et donc l'espace-temps, quand je mets une onde, une vague électromagnétique. Quand je mets un champ classique. Mais quand je mets un champ quantique, ça devient un peu plus subtil, un peu plus problématique du point de vue mathématique de décrire cette théorie. Et beaucoup de gens travaillent là-dessus pour comprendre comment on peut décrire la réaction de la gravité due à la présence des particules quantiques et pas à la présence des matières classiques. C'est un des aspects d'une théorie de la gravité quantique déjà. Donc, il n'y a que l'espace-temps. Donc, comment je peux parler des ondes de gravitation ? Ondes sur quoi ? Elles propagent sur quoi ? Alors, ils doivent propager sur quelque chose. Donc, l'approche que les gens prennent, c'est une approche perturbative, c'est-à-dire, alors, tu sais quoi, là, le problème est très compliqué. Alors, je ne regarde pas l'espace-temps vraiment comme variable dynamique, comme il m'a dit Einstein, j'ai fait quelque chose de plus simple. Je me dis, bon, plus ou moins, l'espace-temps, il est fixe. Je le vois qu'il est plus ou moins plat. Donc, je vais dire, l'espace-temps, il est plat, et après, il y a des petites perturbations, et ça, c'est une dynamique. Donc j'ai fait une approximation linéaire, comme on l'appelle, les petites perturbations. Ça, j'ai pu la quantifier. Et la perturbation quantifiée s'appelle les gravitons. Le problème, c'est que quand je regarde aux interactions entre les perturbations qui deviennent plus grandes, la théorie ne tient plus. Pourquoi elle ne tient plus? Parce que quand l'interaction entre les petites perturbations ça devient grande, ben c'est tout l'espace-temps qui doit changer. Je ne peux plus penser que je suis sur un espace-temps plat. C'est un peu comme dire je prends une grosse tempête avec des tornades ou des dans l'eau, des tourbillons dans l'eau, et je vais décrire ça à partir d'une eau plate avec des petites vagues. Et ça ne va pas marcher parce que l'eau n'est plus plate. Donc c'est ça le problème. Qu'à un moment donné, l'interaction, ça va créer une situation où l'espace-temps lui-même il est trop courbé pour l'approximer encore avec un espace-temps plat. Notamment, c'est ça qui se passe proche du Big Bang, proche de la singularité du trou noir. Donc c'est là où cette théorie perturbative ne peut pas marcher. Et donc on cherche une alternative. Et les alternatives sont différentes. Comme je disais, dans la gravité quantique à boucle, on essaye de quantifier tout l'espace-temps. Donc on abandonne cette idée qu'il y a des ondes qui propagent sur un certain espace-temps et on quantifie tout l'espace-temps. Et on arrive à cette image-là des morceaux d'espace avec des spectres discrets. Donc c'est un peu fou. Ça veut dire qu'il faut imaginer que l'espace-temps où on mesure la physique, ce qui est moyen, cet espace-temps classique qu'on voit, c'est qu'il y a une moyenne causée par la présence des numéros énormes des quanta d'espace fondamental, un peu comme on fait pour la lumière, qu'on dit c'est l'excitation de beaucoup quantum photons, des photons fondamentaux. Donc on imagine que c'est ça. Par contre, ce n'est pas suffisant d'imaginer, il faut vraiment des équations qui t'aient décrit. Comment, à partir de ton quantum fondamental, tu recouvres effectivement que c'est toi, la théorie d'Einstein. C'est ça la difficulté, parce que le formalisme est mathématiquement très difficile. Par exemple, on a des équations qui, on suppose, ils capturent au moins certains aspects de la dynamique classique, mais on n'arrive pas à les prouver, parce que les équations sont trop difficiles à résoudre. On ne trouve pas la bonne... Ça arrive souvent. Les équations de la physique sont souvent impossibles à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut trouver? C'est la bonne approximation. Où ça marche, par exemple, on parlait tout à l'heure des tourbillons. On ne sait pas résoudre analytiquement les équations de Navier-Stokes qui nous expliquent la formation des tourbillons. Mais soit on fait des simulations numériques, soit on fait certaines approximations. Donc, dans le cas de la théorie de gravité à boucle, on est à la recherche de quelle est la bonne approximation pour réussir à faire des calculs qui nous reproduisent qu'est-ce qui se passe à notre échelle pour voir si la théorie est bonne ou pas. Donc ça, c'est par exemple les difficultés, certaines des difficultés qu'on trouve et sur lesquelles on travaille, en effet. On n'est pas là pour peigner les peaux, mais on est là parce qu'on est très ambitieux, on est intéressé vraiment à comprendre la nature fondamentale. Et donc, on commence par des questions très importantes. Par exemple, pourquoi l'univers accélère? Ou pourquoi l'univers a commencé avec un Big Bang? Ou pourquoi la force gravitationnelle est ainsi plus faible que toutes les autres forces? Des questions que je trouve qu'il te laisse avec, ou moi et certains copains, qu'il te laisse avec les yeux ouverts à regarder les sommets et la nuit. Après, pour essayer de faire du progrès, il faut prendre les questions et il faut les donner un aspect mathématique. Un peu ça, non, la grosse découverte qu'il a démarré, la physique avec Galiléo et Newton et Leibniz, c'est le fait qu'il y a effectivement un langage qui magiquement ça marche très très bien, c'est le langage mathématique. Si on arrive à formuler un problème d'une façon mathématique, on obtient une objectivité, une internationalité, je peux dire, extraordinaire, qui nous permet de faire du progrès tout ensemble, de se comprendre vraiment l'un avec les autres. Et donc de faire des prédictions précises, de les tester avec une certaine précision. Donc il faut se mettre dans un contexte mathématique pour essayer de répondre à la question. Et là, c'est déjà un premier choix, parce qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs idées physiques que je peux prendre comme fondamentales pour essayer de répondre à ma question. Si le problème est simple, ça prend quelques mois, quelques années au pire pour arriver à la bonne réponse. Par exemple, c'était ça au début du XXe siècle. Il y avait la grosse question qu'on discutait tout à l'heure, comment ça peut trouver que les atomes existent. Vu que la description qu'on a de l'électromagnétisme, il nous dit, regarde, l'atome, malheureusement, il ne peut pas exister parce qu'il est accéléré, l'électron autour de l'atome, et donc il perd de l'énergie, et donc il tombe dans les noyaux, et pouf, plus d'atomes. Donc il faut trouver une solution à ça. Les gens ont commencé par remarquer certaines propriétés quantiques de la matière. Ils ont arrivé à ces principes de détermination d'Heisenberg. Ils ont arrivé à une nouvelle compréhension de la matière, petit à petit. Ils se sont mis dans un certain framework conceptuel et mathématique qui les a permis de faire du progrès. C'est ça qu'ils ont fait maintenant aussi. On prend une grosse question et on s'est mis dans un certain framework. Par exemple, je me mets dans le framework de la gravité quantique à boucle. La gravité quantique à boucle, elle me dit, regarde, les atomes d'espace sont fondamentaux et donc c'est ça vraiment qu'est-ce qui se passe à les échelles des Planck. Ok, alors je dis ben, très bien, ça c'est les résultats pris, comme j'ai pris les résultats de l'électromagnétisme. Maintenant question, ben, pourquoi je ne vois pas cet atome d'espace? Moi je vois qu'il est tout complètement continu, même quand je prends LHC on est à des énergies de TeV, on a des échelles vachement plus petites que les noyaux des atomes, quand même ça reste encore bien continu. Ben, problème, pourquoi alors? Donc je me mets dans ma théorie et j'essaie de montrer que la théorie effectivement prédit l'existence d'un espace-temps énorme et lisse à des énormes échelles. Et donc pour faire ça, il faut faire des choix techniques de comment poser la question, comment essayer de montrer les résultats. Et donc les problèmes, ça devient peut-être un problème un peu plus technique. La question principale, ça reste là, mais les moments que je l'aborde dans un certain formalisme, ça devient un problème à l'intérieur du formalisme. Et par exemple, alors je prends la théorie de la gravité quantique à boucle et je vois qu'il y a cette description-là, mais petit problème, la dynamique de ces quantas-là n'a pas vraiment l'air de suivre la dynamique de la réalité des gens à la grosse échelle. Donc la description de la dynamique, il faut la modifier, il faut la rendre plus compatible avec ce qu'on voit. Ça, c'était un problème au début des années 2000. Maintenant, c'est un problème auquel j'ai participé moi-même et on l'a résolu au moins partiellement. Maintenant, on a une dynamique qui a l'air d'être beaucoup plus compatible avec la relativité générale qu'avant. La réponse n'est pas définitive encore, mais on a fait du progrès. Après, la question importante, c'est qu'à partir de ces progrès-là, c'est important d'arriver à une solution finale. Oui, la théorie est consistante. Non, la théorie n'est pas consistante. Et d'approcher, de récupérer la question qui était au début. Donc, la théorie est consistante, très bien. Si la théorie n'est pas consistante, bon, laisse tomber, fais autre chose. Mais si la théorie est consistante, maintenant, tu peux te dire, ok, maintenant, on va regarder quelle explication elle met dans cette théorie à la faiblesse de la gravité, par exemple. Quelquefois, il y a des raccourcis importants. Par exemple, même sans contrôler toute la théorie, tu peux quand même répondre à des questions fondamentales très importantes. Ça, c'est le cas, pour un autre exemple que j'ai fait, le fait que les trous noirs sont chauds. Donc, ça, comme je disais, ça vient quand on met ensemble un peu les idées des bases, de la réalité générale et de la mécanique quantique. Après, la question, c'est s'ils sont chauds. Normalement, quand on parle de quelque chose qui est chaud, on parle de l'agitation thermique de quelque chose. Ben, qu'est-ce que c'est qui réchauffe ici? C'est l'espace-temps lui-même qui réchauffe? Ça, c'est une question que même si on n'a pas, ni dans la théorie des cordes, ni dans la gravité quantique à boucle, une compréhension complète de la théorie, on a quand même des réponses à ça. Par exemple, en gravité quantique à boucle, on dit, oui, il est chaud parce que ce qui se passe, c'est à une définition de l'entropie similaire à ce qui se passe dans la mécanique statistique ordinaire, qui on comprend l'entropie comme propriété de plusieurs états microscopiques qu'ils ont différents au niveau microscopique, mais ils ont tous la même propriété macroscopique, par exemple tous la même température. Donc on parle d'entropie quand on parle des les numéros d'états qui correspondent au même état macroscopique. En gravité quantique à boucle, on décrit les trous noirs comme une surface classique, mais qui ça peut s'obtenir à partir de plusieurs combinations différentes d'états quantiques microscopiques. J'ai parlé tout à l'heure des quanta d'espace. Ben, il y a plusieurs combinations différentes des quanta d'espace qui donnent la même structure pour l'horizon d'un trou noir. Et donc c'est ça qui on compte, c'est ça qui nous donne la notion d'entropie. C'est ça qui s'est relié à l'entropie du trou noir qui après s'est relié à la température de Hawking. Donc même si on ne contrôle pas toute la théorie, on a déjà une réponse intuitive à cette question-là. On a une réponse intuitive à l'absence des singularités au centre du trou noir, parce que comme je disais, il y a un quanta d'espace minimum maintenant, donc je ne peux plus aller au-delà, donc il n'y a pas de sens de se poser ces questions-là. C'est un peu comme pour l'atome d'hydrogène qui s'est résolu. Donc, les progrès, normalement, c'est, moi je dirais, il y a un type de progrès qui s'est résoudre un problème technique à l'intérieur de ton chemin de travail. Deuxième, plus intéressant, essayer de contribuer à une possible réponse d'une des grosses questions qu'on a. Au troisième moyen de faire du progrès, c'est de prendre des approches différentes et de les faire parler l'une avec l'autre. On peut les mesurer, par exemple, un exemple est peut-être un peu plus simple. On a parlé des ondes gravitationnelles. On a dit qu'il y a un problème quand on regarde l'interaction à haute énergie entre les ondes gravitationnelles, parce que, par exemple, dans les trous noirs ou au Big Bang, parce qu'il n'est plus consistant de l'approximation perturbative. Mais on peut imaginer qu'à des grandes échelles, la gravité est très faible, donc la description en termes des vagues, c'est très bien, s'approxime à la description newtonienne, et donc on a les courbes des galaxies. Mais on a aussi dit que les courbes des galaxies ne sont pas les bonnes. Donc, soit il y a la matière sombre, soit la gravité modifiée. Donc, par exemple, des travaux que j'ai fait récemment, c'était on prend l'hypothèse qu'il n'y a pas de matière qu'on ne voit pas, mais en effet, c'est la gravité qui est modifiée sur des grandes échelles. Une possibilité de modifier ça, c'est de regarder l'équation d'onde de la gravité et de voir si on peut modifier, si on peut la modifier. Typiquement, une modification infrarouge, comme on l'appelle, parce que c'est une modification de grandes échelles, donc comme dans les ondes électromagnétiques, dans l'infrarouge, sont des ondes avec des grosses longueurs. Pareil, on parle des modifications infrarouges parce qu'elles sont des modifications sur des grosses échelles. On peut obtenir une modification assez utile pour expliquer les courbes des rotations si on imagine que les gravitons, de quoi on parlait, est massif. Donc il y a une distance de propagation différente de le range de propagation que s'il n'y avait pas de masse. Problème technique, si tu prends ta théorie classique de la réalité générale et tu mets la masse, tu trouves une théorie qui n'est pas stable. Mathématiquement, il n'y a aucun sens, donc si tu essaies d'expliquer les systèmes solaires avec ta théorie, il ne marche plus. Donc laisse tomber, essaye d'expliquer les courbes de rotation anormales des galaxies, parce qu'en tout cas, tu ne vas pas réussir à expliquer les systèmes solaires. L'année dernière, des gens aux États-Unis, ils ont proposé une nouvelle théorie où effectivement, ça peut être que les gravitons deviennent massifs, mais quand même la théorie classique est stable. Et donc là, je travaille avec des collègues pour vérifier cet argument qu'effectivement la théorie classiquement est stable. Donc là, c'est un problème spécifique, courbe de rotation des galaxies anormale. Idée, peut-être c'est parce qu'en effet, sur des grandes échelles, la théorie de la gravitation n'est pas Newton, mais c'est une autre théorie. Je prends un modèle où les gravitons est massif, ça revient à dire un modèle où les ondes gravitationnelles ont des polarisations supplémentaires. Je teste le modèle, donc là c'est un cas un peu plus simple où on voit comment ça marche et surtout on voit l'internationalité de tout ça. Là, problème courbe anormale des galaxies, c'est connu depuis longtemps, ce sont des gens dans plusieurs observatoires qui ont montré ça. Après, l'idée de la gravité massive, il y a longtemps que les gens l'ont proposé, mais un marché plat. Récemment, quelqu'un a proposé une autre idée. Moi, j'ai mis mes dessous pour vérifier si ça marche ou pas. Donc, c'est toujours un jeu d'équipe, on va dire, faire de progrès dans la science. Là, ça dépend un peu du genre. Moi, normalement, je préfère travailler sur plusieurs projets en même temps. Quelquefois, un projet, c'est tout seul. Quelquefois, c'est avec plusieurs collaborateurs. Comme ça, quand j'ai mes blocs sur un projet, je peux travailler sur l'autre. Ce qui est suivant, il y a quelquefois des projets qui vont lisses, sans accroc. Tout commence et tout le termine. C'est magnifique. Mais souvent, tu commences, tu te rends compte que tu avais commencé au mauvais endroit, tu trouves un calcul que tu n'arrives pas à faire. Ça prend un peu de temps. Surtout collaborer, c'est très important parce que peut-être tu te bloques quelque part et ton collègue, il te débloque. Par exemple, dans ces cas-là, ces calculs pour vérifier la consistance de ces théories où la gravité a des polarisations supplémentaires, on l'a commencé il y a un mois avec des collègues russes et c'est un calcul horrible. Donc c'est vraiment dur et heureusement qu'on est à trois parce que comme ça on peut se contrôler. Quand quelqu'un fait une erreur, quand on les calcule dans des résultats différents, on se contrôle l'un avec l'autre pour voir qui a fait l'erreur. Donc c'est très important d'être à deux ou trois dans ces cas-là. Et un de ses collègues, il va me visiter la semaine prochaine et je pense, même si c'est un peu dur, je pense avant la fin de juin, on aura les résultats. Soit il est vraiment consistant, soit pas. Pour les moments, par exemple, on voit déjà, dans la structure mathématique qu'on utilise, on voit déjà des raisons d'optimisme. Parce qu'on voit apparaître les structures desquelles on a besoin pour la stabilité de la théorie. Sans se rentrer dans les détails. Ça, c'est suffisant. Mais il faut vraiment qu'il soit solide. Il faut vraiment arriver jusqu'au but. Donc, dans ce cas-là, ça va durer un peu comme ça. Après, il y a des projets qui durent des années. Et ce qu'on fait, c'est quand quelqu'un a terminé un morceau de calcul, on les met sur Internet et on se les passe. Comme ça, quand l'autre termine, ah, c'est les mêmes, ah, non, c'est pas les mêmes. Après, on discute par email, ah, mais moi, je fais comme ça, ou on parle par téléphone. Donc, sinon, quand on est ensemble, c'est plus facile parce qu'on fait les calculs au tableau et donc on se corrige l'un avec l'autre. Là, par exemple, c'est des calculs que j'ai fait avec un étudiant qui est ici, donc c'est beaucoup plus facile, les progrès sont beaucoup plus rapides. Ah, ça c'est sûr, hein. Mais pourquoi c'est plus rapide si on est tous au même endroit? Donc, suivant les fonds donnés à la recherche, suivant sont utilisés pour pouvoir travailler, pour se mettre dans des conditions idéales de travail. Parce que si on est ensemble, le progrès c'est beaucoup plus rapide. Là, par exemple, on est tous d'un problème un peu plus technique, donc on a cette modèle de dynamique de la gravité quantique à boucle, notamment proposé par Carl Rovelli, à l'autre étage. Et une question ouverte, c'est est-ce que ce modèle il a vraiment toute la richesse des courbures possibles pour décrire la relativité générale? La relativité générale a une structure très très riche. Et la phase initiale dans laquelle le modèle est décrit, on voit rien, parce qu'ils écrivent dans des variables qui n'ont rien à voir avec les variables utilisées normalement en relativité générale. Et donc avec un étudiant, on a introduit un formalisme qui nous permet de faire plus riche cette écriture de la gravité quantique à boucle. Et donc là, on étudie effectivement quelle est la richesse de la courbure décrite par les modèles et nous utilisons notre formalisme. Donc là, c'est une question un peu plus technique qui tout de suite, directement, ça ne va pas répondre aux vraies questions qui m'intéressent, mais quand même, c'est un peu nécessaire. Ben, c'est un peu comme construire une maison. L'intéressant, c'est, je sais pas, de choisir les petits détails. Mais quand même, il faut mettre les briques aussi. Donc la beauté, finalement, c'est après à la fin dans les détails, mais les briques sont nécessaires. Donc suivant, on fait du travail un peu plus technique. Mais au moins, moi, j'ai toujours dans la tête les belles questions. Et donc pour ça, une approche vaut l'autre. Hein. Jusqu'à quand je peux vraiment essayer de répondre à quelqu'un de ces questions-là, je suis ouvert à toutes les hypothèses. Comme je disais, une théorie des cordes, par exemple, ils font des hypothèses très différentes. Très très différent. Au début, il ne prend pas l'hypothèse que l'espace-temps est tout complètement quantifié. En fait, il prend l'hypothèse contraire, comme je disais tout à l'heure, on oublie le fait que l'espace-temps est dynamique, on oublie Einstein. On prend que, en tout cas, on le voit, l'espace-temps est plus ou moins plat, donc on prend l'espace-temps plus ou moins plat. Et après, on quantifie que les perturbations. Bon, sauf que, première chose, l'espace-temps n'est pas plat du tout, parce que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, énorme découverte, l'univers accélère son expansion. Donc sur des grandes échelles, en fait, il est très très courbe, sauf qu'il faut être sur de grosses échelles pour s'en rendre compte. Mais aussi, autre problème, cette théorie-là, elle n'est pas mathématiquement consistante, donc il se rend compte qu'il faut quand même introduire certains aspects non perturbatifs, qui peut-être ils vont... En fait, la chose très intéressante, c'est eux-mêmes, finalement, vont introduire des effets de discrétisation de l'espace. Pour le moment, non. Ils ont introduit déjà des effets qu'on peut appeler des géométries quantiques, qui sont très intéressants, mais ils n'ont pas encore du même style que notre, qu'on a dans la gravité quantique à boucle. Les moments où il y aura ça, ce sera très intéressant, parce qu'on peut faire une comparaison un peu plus directe. Par exemple, eux, donc, du coup, ils utilisent des structures additionnelles, comme les dimensions supplémentaires, ou l'existence des particules supplémentaires, desquelles nous, on n'a pas besoin. Par exemple, la supersymétrie, notamment. Si on prend sérieusement ces problèmes de l'énergie noire, alors la supersymétrie, effectivement, ça améliore la situation, parce qu'elle élimine une partie au moins de ces problèmes. Mais il y a des gens comme moi qui pensent que ces problèmes, c'est un faux problème, et donc ils ne voient pas des gagnes à ajouter la supersymétrie, vu qu'au plus, il n'y a aucune évidence expérimentale. Si les LHC voient quelque chose, on est tous super contents, en effet. Supersymétrie, ou même mieux si c'est d'autres choses. Pour le moment, malheureusement, ils n'ont rien vu. Un des problèmes, c'est que c'est très difficile. Parce que ce n'est pas vraiment une expérience facile, c'est une expérience très compliquée où on fait écraser les protons et on a du dégât infini. Et après, dans cet dégât, il faut sortir une information intéressante. En effet, ça c'est pas rigolo, mais c'est un peu vrai. Sans limiter les boulots de mes collègues expérimentaux que j'adore et j'admire à l'infini. Mais c'est vrai que c'est pas. Ça a l'air super sophistiqué l'expérience, mais en effet, c'est pas sophistiqué du tout. On écrase des choses et on voit ce qui se passe quand on les écrase. Et donc, du coup, il y a du déchet et il faut sortir les bonnes informations. C'est très compliqué. Et surtout, c'est déjà un peu aux limites de ce qu'on peut faire. Avec LHC, on est un peu aux limites de ce qu'on pourra savoir dans les prochaines années, au moins avec cette idée d'accélérateur des particules. Construire un accélérateur plus puissant que ça, ce sera presque impossible dans les dernières années. Donc on est tous là un peu avec les doigts croisés, qu'on espère de voir quelque chose. Et bon, d'ici à la fin de l'année, peut-être les X, après ils vont faire une pause pour... redémarrer les systèmes, et bon, après, on espère voir d'autres choses. C'était comme ça un peu le développement dans la physique théorique. Il y avait beaucoup de découvertes à expliquer. Et là, il y a beaucoup de découvertes qu'on n'arrive pas à expliquer déjà. En effet, comme on disait, la matière noire, ou l'origine de la masse. Mais petite suggestion, ça nous aiderait. Par exemple, si LHC voit en particulier supersymétrique avec la bonne masse pour être consistant avec les modèles des matières noires qui décrit les courbes anormales des galaxies, ça nous aide. S'il ne la voit pas, parce qu'on arrive à cette énergie et elle ne la voit pas, ça nous aide aussi, parce qu'il nous dit, bon, on est dans la mauvaise direction. C'est pas les mêmes niveaux d'aide, mais quand même, ça reste important, en effet, pour faire du progrès. Ah, cette histoire, on parlait tout à l'heure des rayons cosmiques. Donc, par exemple, s'il y a cet effet, que cette expérience des rayons cosmiques, mais aussi des rayonnements des fonds à micro-ondes, ils peuvent nous aider. Je disais tout à l'heure, c'est l'effet des modifications de la symétrie de Lorentz, on l'appelle comme ça, mais en tout cas, l'important, c'est ça. C'est que la propagation sur des énormes distances va être sensible à la structure microscopique de l'espace-temps. Ça peut nous aider beaucoup. Pour le moment, la réponse est négative. Donc la réponse est qu'il y a une invariance de Lorentz presque parfaite. Ça c'est déjà une belle indication parce qu'il y a beaucoup de théories des approches à la gravité quantique où l'invariance de Lorentz est brisée. Donc toutes ces théories-là, ils ont du mal maintenant à continuer à expliquer pourquoi on ne voit pas ces brisures. Notamment une théorie des cordes et gravité quantique à boucle, l'invariance sur transformation de Lorentz est préservée, donc il n'y a pas de problème là. Peut-être il y a une déformation de cette symétrie, mais ça c'est autre histoire. Il y a aussi GLAST, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a des effets des polarisations dans les rayonnements des fonds à micro-ondes. Il y a des polarisations qui ont son origine dans les ondes gravitationnelles. Et donc par exemple, s'il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des polarisations supplémentaires dans les ondes gravitationnelles, on peut les voir là. Donc, ou s'il y a des autres effets comme une brisure des parités. La parité, c'est la symétrie entre droite et gauche. cette parité est brisée, notamment, c'est très connu, c'est brisé par les interactions faibles. Donc les interactions faibles, effectivement, elles font la distinction entre les particules qui ont les spins qui tournent dans une certaine direction ou dans l'autre. Les interactions faibles sont ceux qui sont responsables pour les décaillements radioactifs bêta. Bon, c'est une des quatre forces de quoi on a besoin. Notamment, ça brise la symétrie des parités. Est-ce que la théorie de la gravité brise la réalité générale? Non. Les modifications usuelles de la réalité générale? Non. Mais du coup, si grâce à Planck, on peut voir qu'il y a effectivement une brisure des parités dans les spectres des ondes gravitationnelles, ça sera magnifique. Parce que ça va nous dire, ah, écoutez, la solution va chercher dans une théorie, pas celle d'Einstein, mais une certaine modification de celle d'Einstein, où il y a des effets des violations des parités. Ça sera très important. Donc, on regarde avec grosse attention à tout ça. Donc, LHC, Planck, GLAST, mais aussi, quelquefois, il y a des surprises aussi dans des autres expériences qui peut-être on ne s'attendait pas. Voilà, donc on est un peu ouvert à toutes les expériences qui arrivent pour prendre des indications. Donc GLAST, la possibilité des violations de la symétrie de Lorentz, Planck, la possibilité des polarisations, ou LHC pour des particules supplémentaires. Donc on est bien ouvert à regarder qu'est-ce qui peut arriver. On espère en fait de voir quelque chose. Par exemple, à un moment donné, cet hiver, c'était l'automne, et c'est sorti cet résultat expérimental qui peut-être les neutrinos avaient l'impression d'être plus rapides à la vitesse de la lumière. Bon, ça, c'était pas où les gens cherchaient des effets de gravité quantique, mais une fois qu'ils ont vu l'effet, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'expliquer en termes d'une théorie de gravité quantique. Bon, l'effet, heureusement, est faux. Pourquoi je dis heureusement? Parce qu'il n'était pas bon. Faut être honnête, il y a un certain aspect hédoniste dans la recherche scientifique. Quelquefois, les progrès éclairent parce que le développement qu'on a fait a simplifié, est devenu plus beau. Comme l'Église, finalement, les débats Église-Galilée, c'était un peu sur ça, non? Parce que l'Église, ils avaient accepté, du coup, les modèles, la décriture de qu'est-ce qu'on voyait par les modèles copernicains, et juste refuser l'hypothèse. Il disait non, c'est la Terre qui est au centre et les mouvements autour de la Terre, elle est tellement compliquée qu'il est bien décrit par les modèles copernicains où le Soleil est au centre. Donc finalement, c'est un aspect des coupes de crâne, de dire c'est l'hypothèse plus simple, ou aussi de dire l'hypothèse est la plus bonne. La plus simple, suivant la beauté, c'est souvent de la simplicité. Et donc là, l'expérience des neutrinos n'était pas bon, parce qu'on s'attend qu'une expérience où il y a de la nouvelle phénoménologie, ça va être une belle porte dans un nouvel aspect de la physique, on ne comprend pas. Là, c'était une tout petite porte, vraiment comment on s'appelle, la maison d'une souris, parce qu'en effet, l'effet, c'était pour un seul type de neutrinos, dans certaines échelles d'énergie seulement, donc c'était très petit. Donc, tous les efforts d'essayer de l'expliquer théoriquement, après, tu avais du mal à expliquer tout le reste. Normalement, quand tu fais du progrès, c'est vraiment parce que tu as plusieurs choses qui ne marchent pas, tu mets les morceaux du puzzle et tout d'un coup, les choses se collent très bien. Là, ce n'était pas ces cas-là. Et finalement, en effet, ils ont trouvé l'erreur. Alors oui, il y a des outils. L'outil principal, c'est les thésards. Ça, c'est l'outil principal. Non, je rigole, mais l'utilité des jeunes chercheurs des thésards est extraordinaire. Parce qu'ils arrivent avec, suivant de nouvelles idées, ils t'aident à faire des calculs compliqués. Donc ça reste la source de la science, ça reste la créativité. Donc c'est très important d'avoir à disposition régulièrement des financements pour prendre des étudiants, pour prendre des post-docs, pour, comme je disais, pour voyager, c'est parler l'un avec l'autre. La créativité, ça reste la chose la plus importante. Après, il faut, comme je disais, cette créativité, la mettre dans un langage. Moi, j'aime bien aussi la poésie. La poésie, c'est aussi de la créativité. Mais là, c'est un langage où tout le monde peut percevoir avec ses propres sentiments. Donc il faut chercher quelque chose qui ça peut parler à tout le monde d'une façon un peu différente, parce qu'on a tous des sentiments un peu différents. C'est là que la poésie devient magique, parce que chacun peut mettre sa propre expérience dans les mots vagues qu'ils ont utilisés. Et nous, on cherche un langage différent, c'est un langage qui soit très précis, puisque tout le monde peut être d'accord sur les résultats, la prédiction. Ça, c'est les langages mathématiques, et donc ça, c'est l'outil principal. L'outil principal, c'est la mathématique, et suivant, c'est la mathématique déjà développée, mais pas toujours. Suivant, sont les physiciens qui poussent les mathématiciens à développer une nouvelle mathématique. Par exemple, dans les cas, notamment dans les cas d'Einstein, toute la relativité, de quoi il avait besoin pour décrire la relativité générale, a été déjà développée il y avait 40 ans par Riemann, l'étudiant de Gauss. Que d'ailleurs, il avait dans son papier dans Nature, il presque touche. Parce qu'il dit, on pourrait imaginer que ces espaces courbes, ils jouent un rôle dans la nature, on ne sait pas trop. Donc il avait presque, c'était un génie incroyable Riemann. Par contre, il y a des autres situations où sont les physiciens qui poussent les mathématiciens à développer leur... Et ça, notamment avec la mécanique quantique. Donc tout le développement d'espace et dimensions infinies, c'était beaucoup poussé par les physiciens. Tous les développements des séries asymptotiques, de sommabilité des Borel, tous des aspects mathématiques qu'ils ont derrière la théorie des champs ont été poussés par l'intérêt montré par les physiciens dans la théorie des champs. Notamment la théorie des cordes. Journalement, ils développent des nouveaux outils mathématiques et après ils sont pris par les mathématiciens et développés encore plus ou fait plus solide. Mais donc du coup, c'est un jeu solidaire. Il y a du soutien de l'un et de l'autre côté. Donc ça reste l'outil plus important. Cet outil, il y a une partie théorique. La partie théorique, ça veut dire comprendre les propriétés fondamentales de certains objets. Et il y a une partie pratique, calculer un certain résultat. Pour la partie théorique, les cerveaux et la discussion avec les collègues plus experts ou avec des backgrounds différents, ça reste l'outil le plus important. Pour la partie faire un calcul et obtenir un résultat, une fois les frameworks fixés, une fois les cadres théoriques fixés, pour ces cas-là, ça devient très important, par contre, l'aide des ordinateurs. Mais ça, c'est longtemps. Toft et Veltman, qu'ils ont gagné les prix Nobel pour leur découverte dans les années 60 de la renormalisabilité des théories des Gang-Mitz, déjà eux, ils utilisaient un ordinateur pour faire le calcul. Et à l'époque, c'était un ordinateur à papier perforé. Donc on faisait les codes, on perforait les papiers, on les mettait dedans, et faisait les calculs. Donc c'est déjà depuis longtemps. Mais non, c'est aussi très important, c'est pas seulement mathématiques, il y a plusieurs outils où on utilise en effet mathématiques, c'est extraordinaire. Mais il y en a aussi des autres, par exemple, suivant pour faire des intégrales numériquement, tu utilises des outils que tu peux te programmer toi-même avec des langages de programmation comme C++, Fortran... Cela c'est un peu démodé, mais Python, il y a plusieurs outils mathématiques qui sont très importants. Moi j'utilise un peu Python, beaucoup Mathematica, et aussi un autre programme qui s'appelle Cadabra, qui s'est développé par un... Ça c'est vraiment pour faire un certain type de calcul que Mathematica n'est pas très à l'aise avec. Je trouve que le développement de ce modèle, de ce programme-là est extraordinaire. Hein. Dans les dernières 10 années, comme j'ai commencé... C'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Du coup, j'ai vu une présentation de Wolfram sur TED où il parlait qu'il faut arrêter d'expliquer comment on fait les calculs aux étudiants. Il faut expliquer seulement les théorèmes et après les expliquer. J'ai trouvé intéressant. Je ne suis pas trop d'accord, mais je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai qu'une fois que tu as compris la base d'un calcul, tu ne gagnes pas trop à les refaire 100 fois. Tout ce qu'il gagne, c'est que tu peux faire des erreurs parce que tu es distrait. Par contre, c'est aussi vrai que suivant, pour comprendre vraiment à fond, tu as besoin de faire l'exercice. Donc ça dépend un peu, il y a des cerveaux un peu plus abstracts qui n'ont pas vraiment besoin de faire l'exercice, mais il y en a qui ont besoin. Donc je ne sais pas trop. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a aucun sens que des calculs algébriques, je ne sais pas, résoudre une équation deuxième degré ou diagonaliser une matrice, il n'y a aucun sens que je les fasse moi maintenant. Parce que la seule chance, c'est que j'ai fait un petit... Que je ne vais rien apprendre, bien sûr, mais il y a des chances que j'ai fait une erreur. Donc, si je peux le faire avec mathématiques, c'est beaucoup mieux. Moi, je suis sûr qu'il est correct. Donc, après, il y a des situations où tu ne peux pas utiliser mathématiques. Donc, notamment, quand je disais ces calculs horribles avec les Russes, là, j'aimerais bien les mettre sur mathématiques parce que ça m'aiderait beaucoup. Mais il faut manipuler, il faut vraiment de l'intuition. Parce qu'il faut réaliser qu'avec une certaine manipulation, tu vas retrouver un objet qui t'avait déjà. Donc il faut reconnaître quelle manipulation ça va te donner l'objet. Ça, mathématique, c'est pas à le faire. Donc du coup, là c'est à l'antique, à l'ancienne, on va dire. où il découde l'outil fondamental de Sarah Senko. Parce que moi aussi, j'ai écrit un papier avec Garrett Lis. Je pense que les brouilles médiatiques, c'était dû au fait qu'il y avait un certain aspect romantique. Parce que Garrett, il n'avait pas vraiment de boulot, il était dehors officiellement les institutions scientifiques. Et il était un peu, comment dire, hédonique. Il passait son temps à faire du surf. Donc ça, c'est joli, c'est une idée romantique, ça montre que tout le monde peut contribuer. Et ça, je trouve, c'est très très bien, et je suis très très content qu'il a eu beaucoup de brouilles, parce que comme ça, les gens se sont dit, voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais moi, peut-être, je peux contribuer. Et ça, je pense, c'est la chose la plus importante. La culture, ça doit être de tout le monde, mais tout le monde peut y contribuer. Donc, les rester ouvert. Ça, c'était très beau. Après, la théorie eux-mêmes, c'était comme des autres théories qui étaient proposées. Il avait certains aspects qui étaient beaux et certains aspects qui ne marchent pas. Donc, notamment, c'est une théorie qui se cadre dans un chemin bien parcouru par les physiciens des particules, que c'est le chemin des symétries. À un moment donné, les gens ont découvert qu'en faisant très important de faire du progrès dans la compréhension de l'univers, c'est d'étudier les symétries de qu'est-ce qu'on voit. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans la table des Mendeleev, non, on voit qu'il y a certaines structures. Certaines de ces structures, on peut les comprendre à partir des symétries. Par exemple, notamment, dans ces cas-là, c'est la symétrie sphérique qui joue un rôle clé. La symétrie sphérique de l'atome d'hydrogène, parce que les potentiels, c'est un potentiel central, la symétrie sphérique, joue un rôle clé avec la mécanique quantique à nous donner ces structures atomiques. Sans ces symétries-là, sera complètement différent, la structure atomique. Donc, ça marche aussi au niveau fondamental. On ne les a pas parlé parce qu'on est rentré pas trop dans les détails, mais la façon avec laquelle on comprend les modèles standards des forces, c'est toujours en termes de symétrie. Il y a certaines symétries qui expliquent les propriétés de l'électromagnétisme, par exemple. C'est la symétrie des jauges. Ça, on l'utilise aussi pour expliquer l'interaction forte, l'interaction faible, aussi dans la réalité générale. La plus grosse découverte d'Einstein, c'était pas certaines équations pour la dynamique, mais c'était le fait que cette équation de la dynamique, on les dérive si on assume une certaine symétrie. Quelle symétrie? Le fait que la physique soit la même pour tous les observateurs inertiels et non inertiels. Ça nous donne lieu à certaines structures très très fortes, très très puissantes, qui restreignent beaucoup la forme possible des équations. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc cette idée-là, les gens ils ont essayé de la pousser le plus loin possible, et notamment dans les idées d'unification. Quand on parle d'unification, par exemple, parce que les modèles standards sont basés sur une certaine unification entre d'abord électricité et magnétisme, déjà fait par Maxwell, mais après entre l'électromagnétisme et la force nucléaire faible. Cette unification, au niveau mathématique, est expliquée par l'existence d'une nouvelle symétrie, plus grande qu'ailleurs, et la notion des ruptures spontanées de la symétrie, qui nous permet finalement, en effet, de voir pas ces grosses symétries, mais quelque chose de plus petit, qui correspond indépendamment à l'électromagnétisme et à la théorie nucléaire faible. Donc, dans ces cadres-là, c'est un cadre mathématique où les symétries sont décrites par une théorie de la mathématique qui s'appelle la théorie des groupes. Et donc là, le jeu, c'est un peu de comprendre quel est le bon groupe. Il faut un groupe gros, assez grand, pour avoir à l'intérieur tous les sous-groupes qui correspondent à les forces qu'on voit. Et donc, Garrett Lis, il a proposé un certain groupe. C'était la théorie des groupes, notamment, était développée aussi par Cartan, un Français très important, pour plusieurs aspects mathématiques qu'ils ont utilisés dans la théorie moderne. Donc, lui, il a donné une contribution fantastique. Et tout ça, on l'appelle la théorie des groupes d'Eli. Et il y a un certain groupe d'Eli qui est plus spécial que tous les autres. Il y a certaines propriétés exceptionnelles. Et donc, Garrett, il a proposé de prendre ces groupes d'Eli comme l'énorme groupe papa à l'intérieur desquels on peut trouver tous les restes. Bon, c'était une idée sympa, comme similaire à des autres idées, qu'il a certains problèmes. Bon, il y a des symétries qui sont évidentes, parce qu'ils sont des symétries qui décrivent les forces, mais il y a aussi des symétries entre les familles différentes des quarks, par exemple. Il y a par exemple une symétrie qui s'appelle la triality, et donc ça, c'est pas évident à trouver dans son modèle, mais c'est une symétrie qu'on connaît. Donc s'il n'y a pas les modèles, il y a un problème. Bon, après, la dynamique, c'est aussi autre chose. Donc, dans les passés, les gens, par exemple, Glashow, qui a gagné les prix Nobel pour la théorie électroïque, il a aussi participé à des modèles de grande unification. Ils utilisaient un groupe d'Eli qui s'appelle SU5. Ce modèle-là aussi, il y a un problème. Pour ce modèle-là, les protons n'est pas stable, donc il a un temps de vie pas assez long pour être consistant avec ce qu'on voit. Donc là, il y a un problème. Dans les modèles d'Egar, il y a aussi un problème. Donc, mais c'était très sympa comme idée, il y a des aspects positifs. C'est possible qu'on retienne certains aspects, par exemple, les mêmes groupes que lui utilise jouent un rôle très différent, mais aussi important, dans certains résultats très techniques sur la supergravité N égale 8, qui est un sujet technique, donc je ne sais pas si le grand public connaît. Mais bon, ce sont certaines idées qu'avec la juste quantité de supersymétrie, peut-être on peut trouver une théorie de la gravité qu'il n'y a pas ces problèmes que j'ai dit tout à l'heure, que les interactions ne sont pas self-consistantes, sont pas consistantes. Peut-être il y a une bonne théorie supersymétrique qui ça marche. Dans cette théorie supersymétrique, pour montrer que ça marche, certains groupes, comme celui-là utilisé par Garrett, jouent un certain rôle. Après, il faut voir finalement si c'est vrai que la théorie est consistante, ça c'est pas évident encore, et si c'est la théorie qui décrit la gravité qu'on a autour de nous. À un moment donné, on fait les jeux théoriques, mais à un moment donné, il faut confronter aussi avec la réalité, parce que c'est ça qu'on veut expliquer. Donc voilà, c'est ça qu'est-ce que je pense. Après, je me dis que travailler avec lui, c'était sympa. Moi aussi, j'ai écrit un papier avec Garrett Lis. Donc on a fait beaucoup de baby-foot, parce qu'on était au Canada, mais pas de surf avec lui.